jamais t'aimer toute ma vie. Même si tu fais trop mal au crâne, c'est comme une maladie. Sans vraiment savoir où j'ai mal. Et tes copines veulent tout gâcher, à chercher mes erreurs. Et si elles arrivent à trouver, y'aura des cris, des pleurs. Je dois faire de toi ma femme. J'en ai vu défiler des centaines. Moi je suis un loup du bac. À mes côtés il me faut une panthère qui ressemble à ma mère. À la vie, à la muerte. On s'oubliera peut-être par fierté. La reine du royaume c'est toi. Ma fille ça sera une princesse. Je voulais juste la paix, moi et ma belle dans le classe S. Promis à moi, c'est que nous deux, fuck le reste. C'est toi la best, la classe à faire. Et si c'est trop la guerre, à toi mon bébé, à toi ma future femme. Y'aura des trucs à respecter. Si tu veux qu'on y aille jusqu'au bout, je sais que t'as kiffé. Je le vois dans ton sourire. Je te ferai plus jamais souffrir. Et tes copines disent que c'est mort, un avenir avec un nid. Mais c'est peut-être William qui veut construire une famille. Une putain de vie d'artiste, une putain de vie de OG. Je sais qu'elle m'aime à la folie. Hey, hey. Je sais qu'elle est jalouse, je dois me barrer en showcase. Je dis je dois faire de la maille. Elle me dit fais attention quand même, car si tu tombes, je tombe aussi. Ne viens pas gâcher nos projets, j'ai pas que ça à faire de ma vie. Compris. Y'a que nous deux dans le bolide. On se balade depuis tout à l'heure. J'ai les clés des portes de Paris. Yeah. Baby mama, de quoi t'as peur? J'ai son cœur dans la poche. Mais avec elle brouille les pistes. Elle veut que je fasse des efforts. Elle prendra la tête toute ma vie. La reine du royaume, c'est toi. Ma fille, ça sera une princesse. Je voulais juste la paix. Moi et ma belle dans le classé. À toi mon bébé, à toi ma future femme. Y'aura des trucs à respecter. Si tu veux qu'on y aille jusqu'au bout, je sais que t'as kiffé. Je le vois dans ton sourire. Je te ferai plus jamais souffrir. Et tes copines disent que c'est mort, un avenir avec un nid. Mais c'est peut-être William qui veut construire une famille. Une putain de vie d'artiste, une putain de vie de OG. Je sais qu'elle m'aime à la folie. Hey, hey. Je sais qu'elle m'aime à la folie. Hey, hey. Je sais qu'elle m'aime à la folie. Hey, hey.